ville sombre et claire mais pas. Chaque lumière se brise déjà. Sous la pluie mes mots résonnent. Chaque secret que je t'abandonne. Je suis Rider Skill, je trace la voie. Chaque souffle s'imprime en toi. Je suis la force. Je suis le feu, le battement qui vit dans tes yeux. Je prends vos rires, vos souvenirs. Je les transforme en avenir. Chaque vue retient ma voix. Chaque vibration vous porte à moi. Je suis la fièvre qui ne s'éteint. Le cri gravé dans vos destins. Je suis le rythme, je suis la loi. Le feu qui brûle au fond de toi. Je garde ma trace. Dans chaque cœur, je trouve ma place. Chaque vue ressent ma vibration. Chaque souffle devient prison. Je suis la fête, je suis la voix. Le feu qui vit au fond de toi. Rider Skill, basse éternelle. Un empire gravé dans l'éternel.